de Georges Courteline, tiré de Ombres et Lumières, Le Canot. En ces temps-là, elle et moi, nous filions le parfait amour, retirés du reste du monde, comme deux anachorètes, dans notre petite maison de Gravelle-Saint-Maurice. Retiré du monde, ai-je dit, et tu sais si le mot est juste. C'est tout au plus si nous te voyons toi-même une fois ou deux chaque mois, car la paresse te lever à 9 heures t'a valu bien souvent, en place du grand calme que tu trouvais près de nous, un dimanche de poussière et de vacarme au milieu des démolitions du boulevard Saint-Germain que tu habitais alors. Pourtant, comme tu ne pouvais guère plus te passer de nous que nous pouvions nous passer de toi, nous-mêmes, tu te décidais de temps en temps à t'arracher de cette torpeur dont s'amusait tant la pauvre petite morte et à venir nous surprendre à l'heure du déjeuner, au milieu de notre solitude. C'était bien parce que c'était nous, comme tu le disais en te faisant valoir. Peut-être était-ce bien aussi parce que tu savais ressentir et apprécier mieux que tout autre ce charme qui ne ressemble à rien, cette poésie subtile et particulière de la banlieue parisienne. Nous te recevions, mon cher ami, avec une grande modestie. La sauvagerie du pays en était cause. C'est à peine si, en pressurant l'unique boucherie et les deux fermes de l'endroit, elle parvenait à réunir une demi-douzaine de frais et quelques côtelettes minuscules sur l'opulence desquelles tu voulais bien t'extasier. Il est vrai que tu te rattrapais sur le café dont tu étais fort amateur et qu'elle réussissait, il faut le dire, en véritable artiste. Puis, le vrai charme de ces repas, n'était-ce pas notre salle à manger elle-même, au premier et unique étage de la maisonnette? Lorsqu'on y entrait au sortir de ce corridor sombre qui aboutissait à l'escalier, on demeurait un instant sur le seuil, comme ébloui de cette clarté d'atelier que rendait plus intense encore le fond vertant du papier dont était tapissé le mur. On n'y avait pas force et aise, mais notre intimité ne s'en trouvait que mieux. Il semblait que l'étroitesse même du lieu, ou pour peu que l'on fût 5 à table, on commençait à se sentir les coudes, lui donna à elle ses coudées plus franches. Tu exigeais que quelque temps qu'il fît, la croisée en resta ouverte. Non, je me gardais bien de contrarier en rien cette innocente fantaisie. D'ailleurs, la vue en était charmante. Du paysage de n'en plus finir, des arbres et encore des arbres, avec de larges échappées de jour, par où apparaissaient des bouts de murailles blanches. Des encoignures de toiture rouge, et là-bas, comme rideau de fond, des entassements de peupliers gigantesques derrière lesquels on pressentait la marne. Margot t'aimait beaucoup, tu sais, et elle n'eut jamais contre toi qu'un seul sujet de mécontentement. Tes éternelles taquineries à l'endroit de son jardinet, de ses pétunias qui ne donnaient pas de fleurs et de ses fraisiers qui ne donnaient que cela. Même il paraît, à ce qu'elle m'en disait un jour, que tu avais à ce propos de petits sourires sournois et moqueurs, juste assez perceptibles pour qu'elle les devinât et qui avaient le don de l'exaspérer. Des points de remords trop cuisants, mon cher ami, pour avoir causé de ces petits chagrins momentanés à cette chère et fine créature dont nous ne conservons plus aujourd'hui que le souvenir. Elle te les avait elle-même pardonnés bien volontiers, en faveur de tout l'esprit, de tout le corps et de tout le cœur qu'elle avait reconnu. Ainsi que, je te le rappelais quelques lignes plus haut, il t'arriva plus d'une fois de nous fausser compagnie. Et c'est justement un de ces dimanches-là où tu avais préféré la société de ton lit à celle de tes vieux camarades, qu'arriva l'anecdote suivante, tellement simple et tellement vide, que je me demande, en te l'écrivant, pourquoi diable je me donne la peine de te la narrer, et pourquoi surtout je te la donne à toi, celle de la lire. Quoi qu'il en soit, nous t'avions attendu ce jour-là, toute la matinée, il y avait 3 semaines au moins que l'on ne t'avait vu, et bien que tu ne pris jamais le soin de nous prévenir, nous comptions à peu près sur toi. Vers midi et demi, de guerre lasse, nous finîmes par nous mettre à table, mais sans appétit. Agacé, en proie à cette sorte d'énervement inquiet qui accompagne toujours une déception. Avec cela, il faisait un temps blanc d'octobre, un immense ciel mat boursouflé de gros nuages et qui donnait au vert des peupliers une tonalité noirâtre. Dois-je attribuer cette première apparition du plaisir qu'elle s'était promis, toujours est-il que Marguerite ne soufflait mot, tournée déplorablement au noir. Ce mutisme encourageait le mien. Une atmosphère de gêne flottait entre nous, bien que cet isolement absolu auquel nous étions condamnés fût cher à notre affection, et qu'elle s'y complût au mieux. Nous n'étions pas fâchés, cependant, quand tu venais, ne fût-ce que quelques heures, en rompre la monotonie. Et cette pensée, que nous nous devinions mutuellement, jetait entre elle et moi un embarras glacial. Marguerite, très visiblement agacée et renversée en arrière sur sa chaise, lançait l'une sur l'autre au plafond les bouffées bleues d'une cigarette dont elle cassait la cendre au bord de sa soucoupe. Moi, plus calme, avec une indifférence apparente, j'arrosais de filets réitérés de cognac un lit de sucre fondu resté au fond de ma tasse. Mais, machinalement, tu le devines, la pensée a 100 lieues de là, réfléchissant ce que serait cet interminable après-midi, écoulé dans un tête-à-tête sur lequel je ne comptais pas, flairant cette journée d'épouvantable ennui, de malaise indéfinissable, où l'on resterait volontiers sur le dos, sans mouvement, pendant des heures, les mains jointes à plat sur les yeux, et les pieds plus hauts que la tête, soutenus par la barre du lit. Cette perspective m'effraya à tel point que brusquement je me levai et mettant en fuite cet essaim de papillons noirs qui commençait à tourbillonner devant mes yeux. « Au fait, dis-je, nous avons le canot ?» Elle accepta immédiatement, comme il eût accepté d'ailleurs toute autre proposition, heureux surtout d'en avoir fini avec cette position fausse et de voir un but à cette journée manquée. En deux coups de main, la table fut desservie, la nappe enlevée, la vaisselle reléguée sur le fourneau de la cuisine, et Margot, debout devant la glace, épinglait déjà son chapeau. Un tour de clé, et nous voilà partis, gagnant la Marne à travers champs, enfonçant à chaque pas dans les terres pâteuses et grasses, toutes détrempées encore des pluies violentes de la semaine. Le temps se maintenait incertain, et selon toute prévision, la journée s'écoulerait ainsi, sans une goutte de pluie, sans une éclaircie de soleil. À l'horizon seulement, dans la direction de Paris, le ciel se modifiait un peu, prenait une blancheur presque éblouissante. Elle s'était emparée de mon bras et nous marchions côte à côte sans nous presser, elle vêtue d'un peignoir rose qui ne la quittait à peu près pas, et moi, couvert d'un chapeau de jonc, comme ruban et une ficelle rouge. Elle avait repris toute sa gaieté, tout son entrain, toute sa gaminerie, riant de tout, s'amusant de rien, pensant bien moins à toi, je te le jure, qu'à aplatir sous ses talons d'autres marguerites plus fragiles, dont le rose pâle un peu passé égayait autour de nous la grande monotonie du verre. Quelle étourdie ! Un moment vint où je dus la saisir par le bras et l'arrêter court, sans même qu'elle s'en fût aperçue. Nous nous étions avancés si près de la rive qu'une mince lame d'eau, se déplaçant, venait de s'échouer sur le bout de sa bottine. Alors seulement, elle se décida à regarder. La Marne coulait à nos pieds, très large à cet endroit, promenant les chapelets d'une mousse légère et blanche, et venant se briser doucement contre le ventre de la petite barque que le courant avait repoussée le long de la côte. On y arrivait à l'aide de quelques pilotis de bois demi-pourris, et dont les têtes émergeaient de l'eau. Margot, craintive, risqua un pied, moi j'avais abordé déjà, et debout je lui tendais les bras pour faciliter sa descente. « Embarque, mon mignon, embarque !» Hésitante, elle souriait, demeurait un pied en avant, sans oser aventurer l'autre, persuadée que dès le pas qu'elle allait faire, l'échafaudage roulerait sous elle. « Saute donc, poltronne, saute donc !» Brusquement, elle se décida. Elle eut un mouvement d'élan, se lança, toute trébuchante, franchit le bord et tomba dans le canot, tout assise. Je lui criai « Bravo, hurrah !» Elle riait, battait des mains comme une enfant, fière de son héroïque courage. Le canot était déjà loin et rejeté au large d'une poussée, prenait peu à peu le courant. En trois coups de rame, il fut lancé. « Oh, dit-elle, passe-moi les rames, tout à l'heure. » Elle eut une moue légère, mais qui ne dura pas. Et le splendide panorama qui se déroulait autour de nous nous parut bientôt l'absorber tout entière. De chaque côté, la rive filée, accidentée, là, paraissant presque de niveau, émergeant de l'eau dans une pente insensiblement douce, puis se redressant tout à coup, remblée à pic, dont le jour éclairait la crête d'une ligne de vert tendre. La Marne conservait son calme et son admirable limpidité. Reflétait les nuages en clair, avait au loin des clapotements sourds, des sauts de grenouilles effarouchées, plongeant la tête la première. De longues traînées s'y poursuivaient, à leur aise, sans se presser. Des enchevêtrements jaunâtres, pourris, tordus, racolés de droite et de gauche, aux bouches des écluses, et d'où montait une vague odeur d'herbages humides, confondue dans le souffle de fraîcheur qui s'élevait de plus en plus sous la rapidité de notre course. À 1000 mètres en avant de nous, la Marne faisait un coude brusque et subitement disparaissait dans un immense bouquet de feuillage que de hauts frênes dominaient et où l'œil percevait encore la note blanchâtre des saules. Puis, au-dessus de tout, le ciel d'une blancheur presque uniforme, pommelé à peine et percé tout à coup d'une éclaircie bien tendre, égarée sans qu'on sût comment au milieu de cette lourdeur mate. Peu à peu, le canot déviait, changeait de ligne, et maintenant nous côtoyions presque, nageant à 3 mètres du bord, coupant court dans les îlots de joncs dont les hautes têtes s'abattaient sur notre passage avec un bruissement de feuilles mortes, écartant des écueils de nénuphars que couronnaient des fleurs épaisses d'un blanc de porcelaine. « Passe-moi les rames, » dit Marguerite. Elle était assise en face de moi, retenue des deux mains à la banquette du canot, les genoux écartés et les jambes étendues en sorte que nos pieds se touchaient. Son peignoir de percale rose tout uni, ainsi que je te lisais plus haut, était garni de bouillons aux manches et au cou, et sur le devant, étroitement fermé, par une suite de nœuds défraîchis, qu'encadrait une large dentelle. Elle, pour se mieux mettre à l'aise, venait de le dégrafer du haut. C'est bien qu'il baillait maintenant avec un parfait sans-gêne, et d'une façon d'autant plus piquante qu'il y mettait encore une sorte de discrétion. En outre, elle s'inclinait légèrement contre l'oppressement du grand air qui venait de la frapper de face, et cela laissait voir une bonne partie de sa gorge que le reflet de l'étoffe rosissait doucement. « Passe-moi les rames, » dit Marguerite. Ici se place, mon cher ami, quelque chose d'un caractère absolument particulier, devant lequel l'auteur reste embarrassé et qui ne peut toutefois se décider à passer sous silence. Sous peine de retirer à ce récit son seul côté un peu piquant. La seule affaire, comme dit l'autre, hélas oui, et même d'autant plus redoutable que je suis loin de posséder ton exquise souplesse de main. Dans ces conditions, mon cher, fais retirer ces dames, s'il y en a, pour toi qui viens d'achever ton volontariat, je te crois en état de tout entendre. Tu me fis un jour le pari de me réciter d'un bout à l'autre, et sans en sauter une lettre, le roman de l'impeccable poète, Mademoiselle de Maupin. Tu te rappelleras donc sans peine le passage où D'Albert prend sa maîtresse Rosette, en robe de bal, au milieu des lumières et des fleurs du salon. Lorsque Margot, pour la troisième fois, avec sa persistance d'enfant gâté, eut réclamé les rames du canot, je ne sais quelle idée diabolique me passa par la cervelle, quel désir fou me vint de la posséder en plein air, à la face de toute la nature. Cela fut tellement soudain et en même temps tellement intense qu'il me courut comme un voile devant les yeux et qu'il se forma instantanément dans ma mémoire une solution de continuité, une sorte de vide qui ne se comblera jamais. Cependant, cela dut être fort court. Quand je revins à moi, j'étais debout, au milieu de la barque. Marguerite, la bouche grande ouverte, et les yeux aussi grands que la bouche, indice d'une immense stupéfaction, était renversée en arrière, à plat sur la paume des mains, les jambes en l'air, retenues par l'étroite banquette où je venais de la voir assise, montrant le pantalon tuyauté et les jarretières bleues des bas à jour. Elle demeura un instant sans mouvement, comme tuée de stupéfaction. Puis, brusquement, elle se releva, rouge de colère. Je ne te ferai pas assister, crois-le bien, aux disgracieuses paroles qui profanèrent alors cette bouche délicate. Sache seulement que cela dura 5 grandes minutes, montre en main, avec détails, annotations et renvoi au bas de la page, sans qu'il me fût possible de placer un seul mot. Le plus bizarre de l'affaire, c'est qu'elle n'y avait vu absolument que du feu. L'attaque avait été si prompte, si imprévue, qu'elle n'avait même pas eu le temps d'en rechercher la raison et le pourquoi, et qu'elle ne comprit enfin qu'en reconnaissant dans mes yeux ce regard étrange et affolé qui ne lui était pas inconnu. Alors, elle s'arrêta court, elle me cria « Non !» en plein nez, et me tourna le dos purement et simplement, tandis que je restais avec ma courte honte et mon air niais d'interloqué. Elle s'était rassise, ronchonnant, réparant par des tapes le désordre de ses jupes, quand tout à coup, redevenant souriante, et avec cette chatterie de voix qu'elle savait si bien prendre à l'occasion, « Les rames d'abord !» dit Marguerite. Quand nous rentrâmes dans notre petite salle à manger, nous n'avions faim ni l'un ni l'autre. Les dernières lueurs du crépuscule nous surprirent à table encore, sans lampe, accoudés devant nos assiettes vides, aspirant ces effluves du soir qui parvenaient jusqu'à nos tempes par les fenêtres restées ouvertes toute la journée. Dehors, la nuit calme tombait, s'étendant sur la campagne morne, noyant d'une brume diffuse les cimes des hauts peupliers. Et nous percevions par moments, à demi étouffés, les bribes d'une symphonie de Mozart qu'exécutait non loin de là une main de femme sur un clavecin. Fin. Suivant. Mouvement de valse. C'est vous ? Dieu me pardonne, s'écria Lucienne. Cher, vous n'êtes donc pas mort encore ? Si fait, dit-il gaiement. Si fait. Il y a au moins 6 semaines. Et vous êtes sorti de la tombe ? Uniquement pour vous venir demander à dîner. Alors, sans trop savoir pourquoi, elle eut un joli rire perlé de femme contente. Elle s'empara de son bras et doucement ils descendirent vers le jardin, le long d'une interminable bordure de géranium. Ça, disait Lucienne, c'est gentil. C'est bien gentil à vous, Fabrice. Lui s'épongeait le front, soufflait. Oui, oh oui, c'est assez gentil et aussi pas mal courageux. Dieu que c'est loin, qu'il fait chaud. Mais elle défendit son bien. Loin, Chenevière, 45 minutes de chemin de fer, montre en main. Parfaitement, et 1 heure de marche pour aller prendre le convoi qui y mène. Total, 7 quarts d'heure de voyage. On va à Rouen en moins que cela. C'est l'histoire de toutes les banlieues, ma chère amie. Un mythe, la banlieue. Un leurre, la banlieue. Une attrape nigaud, la banlieue. Lucienne amusée souriait, bien qu'il fût tout près de 3 heures. Elle n'était point habillée, vêtue seulement en chaussoir, d'une matinée blanche rehaussée de vieil or, passée au sortir du bain, et dont la traîne, derrière elle, frôlait le sable fin de l'allée. Lui, élégant, ganté de clair, était fleuri d'une rose blanche, achetée à Paris au départ, et ainsi ils étaient charmants, marchant côte à côte, tout proche, sous ce coup de soleil terrible de juillet, mettant leur élégance raffinée de parisiens dans ce coin de banlieue parisienne, et semblable à quelqu'une de ces mondanités exquises que signent Heilbutte ou Balavoine. Brusquement, il demanda « Eh bien, mais au fait, et Gaston ?»« Gaston, mon cher, est en voyage, parti 7 semaines, pour 15 jours. »« Ah » dit-il. Il baissa le nez. Ça lui faisait un drôle d'effet, cette nouvelle. Une très étrange impression, faite de vagues inquiétudes et à la fois de joie sournoise. Depuis longtemps, c'était même là la raison pour laquelle il les venait voir si rarement. Depuis longtemps, il savait bien que son affection pour Lucienne n'était pas l'affection banale due à la femme de l'ami, et qu'il y avait un motif pour que sa sensualité d'homme blasé s'éveillât aussi violente sous une simple pression de doigt, un regard ou un sourire d'elle. Ce sentiment, point impérieux encore, il pouvait certes à la rigueur, et en présence de Gaston, le dominer, et s'en rendre maître par un effort de volonté et d'énergie. Mais il sentit que, dans ces conditions, les choses n'étaient plus les mêmes, et il devint anxieux et inquiet à la pensée d'une journée entière, s'écoulant dans un redoutable tête-à-tête, sous l'abri discret de ces arbres, dont l'ombre épaisse allait jeter autour d'eux une si étroite intimité. Au fond, il comprenait que la lutte serait dure et que son amitié pour Gaston, quelque sincère qu'elle pût être, allait sans doute peser bien peu dans sa loyauté un peu large de viveur usé et sceptique. « Ça vous fâche, fit Lucienne, que son silence surprenait, de faire la dînette avec moi ?» Fabrice sentit qu'il se coupait. « Quelle idée, dit-il, au contraire, je vous ferai la cour. »« J'espère bien. » En marchant devant eux, au hasard, ils étaient arrivés au sommet de la terrasse et ils s'y reposèrent un instant près l'un de l'autre, accoudés à même le mur bas, entre 2 larges vases de fonte où se mouraient les derniers iris de l'année. Sous leurs yeux, à perte de vue, s'étendait l'immense embrassée de la campagne, les longues plaines en branches d'éventail, accolantes au vert vif des récentes poussées, le brun sombre des terres retournées fraîchement, tandis que là-bas, dans l'horizon, des forêts touffues s'indiquaient d'une lie bronzée presque éteinte. Lucienne, très indifférente, enveloppée de son regard vague, voilée d'ennui, ce spectacle dont la grandeur lui échappait un peu. Elle disait « Ces maisons, là-bas, devant vous, c'est la Varenne. Vous voyez? Au loin, là, tout au loin à droite, c'est celui-ci. Oh, nous sommes très bien ici. La Marne passe au bout du jardin, le bain en pleine eau chez soi-même, voilà une chose précieuse. » Fabrice hochait la tête. « Oui, oui. » Et il s'abandonnait doucement, cédait au charme exquis de cet isolement à deux que semblait rendre encore plus grand la mélancolique solitude de la plaine. Le soleil s'était couché rouge dans une apothéose d'or vif dont l'éblouissement avait allumé toute la chambre d'une immense lueur d'incendie. Puis, sous la tombée croissante de la brune, les braises de l'Occident s'étaient éteintes l'une après l'autre. Il y avait eu pendant quelques instants, comme une lutte grandiose et désespérée, une formidable invasion de nuages lourds, crevés, de ci et de là, de brusques échappées, et dont de magiques empourprements embrasaient encore les crêtes. Plus rien, enfin, qu'une teinte sombre où s'allongeaient encore, à peine perceptibles, de minces traînées orangées. Et lentement, la nuit s'était faite, enveloppant le parc désert de son mystérieux assoupissement. « Tenez, dit Lucienne, très gênée, je vais vous jouer du piano, voulez-vous ? » Fabrice s'inclina sans répondre. Elle s'assit, ouvrit l'instrument et préluda, puis brusquement, sans lumière, de souvenir, elle commença la valse du Danube bleu, la valse chère à Fabrice. Une lueur flottait encore, vague, indécise, aplatie par les rideaux sombres de la fenêtre et semant aux angles de la chambre la douce et mystique tristesse des agonies de jours mourants. Du coin obscur où, pour l'entendre, il s'était mis, perdu en un vaste fauteuil d'une autre époque, il écoutait, la gorge pressée, distinguant parmi toute cette ombre la silhouette blanche de Lucienne, et sa main qui courait, légère, sur la ligne blême du clavier. Sur le sol, la traîne trop longue de son peignoir enveloppait ses pieds comme d'un flot de mousse, et ainsi elle jouait, divinement, et avec un art infini, sans opposition et sans effet cherché, nuançant chaque motif, chaque phrase, chaque mesure, de finesse presque insensible, et que seule pouvait percevoir son âme suprêmement artistique de femme. Les motifs défilaient les uns après les autres, et dans le mouvement arrondi de la valse, c'étaient de longs et maladifs alanguissements, des bercements assoupis et calmés où revivait la vaporeuse poésie des paysages de Bohême, les chœurs en pleine, au soir tombant, les matinées calmes et sereines, quand une brume de beau temps, voile d'une gaze transparente de disque rose du soleil, et le fond, lilas clair des nues, et la nappe du Danube coulant, éternellement bleue, entre les ruines effondrées des manoirs et des abbayes. Lui, immobile, invisible, écouté, affolé de cette solitude, comprenant qu'il devait être pâle, affreusement pâle, et serrant de ses mains convulsives les bras maigres de l'antique fauteuil. Mais tout à coup, derrière elle, Lucienne eut la sensation qu'il s'était levé, que, doucement, il s'approchait. Elle ne bougea point, cependant, comme si l'inexprimable angoisse qui s'empara de son âme lui eût ôté toute initiative et toute force. Elle demeura, droite et svelte, dans sa blancheur nuageuse d'apparition, la tête vide et à la fois pleine d'un grand trouble, sentant venir sur elle, imminent, le danger longuement prévu. Et elle ne cessa point son jeu, quand sur la chute de ses épaules frémissantes, elle sentit, comme une caresse imperceptible, deux mains s'apposer, tremblant, deux mains dont la chaleur de fièvre perçait l'étoffe légère de son vêtement. Un moment, ils restèrent ainsi. Lui, dans l'extase de cette première possession, elle, les yeux clos, sans volonté, gagnée, sous ses doigts au piano, la valse peu à peu s'éteignait, devenait comme une insensible vibration, comme sous une bouffée d'air, le frémissement d'un cristal très fin. Subitement, tout se tut. Alors les mains immobiles, et effleurant encore l'ivoire du clavier, alors elle leva la tête, et sans se voir, à cause de la nuit devenue très profonde, ils se regardèrent infiniment.

Le lendemain, couchée, les ailes étendues, sur une demi-douzaine d'œufs qu'elle couvait avec amour, elle songeait, et non sans angoisse, à l'avenir de ses nouveaux-nés, quand tout à coup elle jeta un grand cri. Une lourde masse venait de pénétrer chez elle, par la lucarne, et de lui tomber sur le dos, en même temps qu'une obscurité profonde envahissait son domicile. C'était le facteur rural des coups de s'il pleut, Saint-Aimable, qui venait de jeter le Gil Blas dans la boîte à journaux de M. de Brossarbourg. La première frayeur passée, la petite fauvette songea à se débarrasser de ce journal essentiellement littéraire, mais qui, pour le moment, l'empêchait d'y voir clair et lui tenait épouvantablement chaud. Elle se mit donc à grands coups de bec à attaquer la chronique de M. Henri Fouquier, dont l'impeccable logique s'en alla morceau par morceau. Puis elle déchiqueta sans pitié la prose si bien sentie de Sylvestre. Après quoi, Paul Arène se virait du temps miette et Paul Ginesti en poussière. Cela fait, elle put respirer. Et déjà, elle reprenait un peu de calme quand, brusquement, elle jeta un second cri, battant des ailes, affolée, aveuglée d'un flot de lumière vive. C'était M. de Brossarbourg, maire des coups s'il pleut, Seine-et-Marne, qui ouvrait sa boîte à journaux pour y prendre le Gil Blas. Alors la petite fauvette commença tout de même à trouver que si son logement était irréprochable au point de vue de la sécheresse, il laissait fort à désirer au point de vue de la tranquillité. La perspective de recevoir alternativement les visites du facteur rural des coups s'il pleut et celle de M. Brossarbourg lui causa donc les plus cruelles appréhensions, d'autant qu'elle ne partageait pas les opinions politiques du Gil Blas, et que d'autre part, relevant de couche, elle se trouvait dans une situation excessivement embarrassante vis-à-vis de M. Brossarbourg. Et pourtant, que pouvait-elle faire? Je vous le demande. Déménager? Il n'y fallait même pas songer, sous peine d'abandonner toute sa progéniture. Et elle ne s'arrêta pas à cette pensée, préférant encore aux lâchetés de l'abandon les inconvénients d'une maison bruyante. Et c'est ainsi que, depuis quelques jours, la petite fauvette reçoit le Gil Blas et que chez M. de Brossarbourg, maire des coups de s'il pleut, Seine-et-Marne, on en est réduit à lire entre les trous les chroniques impeccablement logiques d'Henri Fouquier, les contes bien sentis de Sylvestre et les articles de Ginesti. Enfin, l'œil de veau, ce n'est pas absolument d'hier, cela remonte bien, tout compte fait, à une bonne douzaine d'années. Allons, pas de coquetterie, mettons-en 15 et n'en parlons plus. Et pourtant, je me vois encore, pauvre potache, maigre et anémique, déjà, dont la veste façon Sainte-Barbe faisait une gouttière dans le dos, pleurant comme un veau dans la salle des départs et révolutionnant de ma douleur bruyante tout le personnel de la gare. Partagé entre le désespoir du retour et la joie de me savoir 15 sous dans ma poche, je me sens encore sous le bras le paquet ficelé de la main maternelle contenant des chaussettes de laine, des souliers neufs, des galoches pour l'hiver. J'entends les coups de sifflet et les volets de cloche. Puis, c'est les poursuites affolées d'un bout à l'autre de la gare, la précipitation des dernières embrassades, les bousculades et les encombrements aux portes des salles d'attente. Ma mère se tient à quatre pour contenir ses larmes. Mon père me crie « Ne perds pas ton billet !» Quelqu'un qui passe dit « Pauvre gosse !» Ah, le sale temps, les mauvais souvenirs, et comme valait sa raison d'exécrer les heures de collège. Ça n'est jamais gai, le collège de province surtout. Je suis payé pour le savoir. C'est la plupart du temps un vaste bâtiment, triste comme l'automne et sale comme un peigne. Les petits commerçants de la ville en sont généralement fiers, et généralement aussi, il n'y a pas de quoi. On le débarbouille une fois l'an, pendant le temps des grandes vacances, ce qui fait qu'au retour des élèves, il pue sous toutes les coutures, la peinture fraîche et le mastic. Odeur à laquelle vient se mêler l'odeur fade de l'abondance et des équivoques bouillons gras qui montent sournoisement de la cuisine, flottant tout temps le long des corridors et des escaliers des bahuts de province. J'ignore pourquoi, mais cette manière de retapage donne une recrudescence à la tristesse du retour. Et puis c'est comme un fait exprès, il pleut presque toujours le jour de la rentrée. Or, je ne sais rien au monde de plus désespérant, de plus navrant, de plus lamentable qu'un trou de province le soir par une de ces pluies fines et persistantes que le funèbre ciel d'octobre semble vomir avec la mort. Je me rappelle les trajets de la gare au collège, les rues silencieuses et étroites, sans un chat, éclairées d'un quinquet toutes les 200 mètres, les pataugeages dans la boue, entre les petits lacs qu'enclosent les pavés, les chutes d'eau débordant des gouttières, et les pas gymnastiques au ras des maisons sombres, tandis que la tunique abîmée se colle de plus en plus aux épaules. À après-époque, dont ma lèvre a gardé l'amertume et dont la lourde tâche de la vie n'est point encore parvenue à cicatriser le souvenir. Interné loin des miens, en ce petit lycée de X, qui ressemblait à un cloître, sinuculaire d'une caserne, j'ai passé ce qu'on est convenu d'appeler le meilleur temps de l'existence, c'est-à-dire ma prime jeunesse, de ma première communion à mon baccalauréat. Je touchais 5 sous le dimanche, 3 sous le jeudi, et je venais à Paris 3 fois l'an, au jour de l'an, à Pâques et aux grandes vacances. Il est vrai que la prévoyance familiale m'avait pourvu d'un correspondant, ce qui me procurait la jouissance de franchir le seuil du lycée le premier et troisième dimanche de chaque mois, quand j'avais obtenu des notes satisfaisantes. Dire que c'est sorti de quelques heures sur l'allégresse et le délire, mon Dieu, non. Je crois même, je puis bien me l'avouer aujourd'hui, que je m'ennuyais chez mon correspondant un petit peu plus qu'à l'étude. Mais enfin, j'avais le plaisir de me dire que j'étais sorti, et aussi de penser, plaisir plus grand encore, que d'autres, moins favorisés, étaient restés à envier ma bonne chance. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Mon correspondant s'appelait Poirot. Ce n'était pas un bien beau nom, mais je le lui pardonnais volontiers en faveur de son hospitalité, qui était large et généreuse, et des innombrables distractions que je goûtais dans sa société. Voici, en effet, heure par heure, l'emploi des dimanches de sortie que je passais auprès de lui. 9h30, arrivé chez Monsieur Poirot. Nouvelle de ma santé, de mon travail et de mes progrès. Discours de Monsieur Poirot sur les bienfaits de l'instruction et le résultat toujours heureux d'une discipline sagement appliquée. 10h. Promenade à la cathédrale et audition de la grand-messe aux côtés de Monsieur Poirot. Satisfaction de sortir un sou de ma poche et de le verser à la quête pour le plus grand bien du denier de Saint-Pierre. 11h. Retour au domicile de Monsieur Poirot. Repas frugal, généralement composé des restes du dîner de la veille, mais agréablement assaisonné des multiples saillies de cet excellent homme. Plaisir de voir M. Poirot siroter seul une tasse de café. Deuxième discours de M. Poirot sur les bienfaits d'instruction et la nécessité d'une sage discipline. 1h, permission par M. Poirot de regarder par la fenêtre, mitigé de la défense de cracher dans la rue. Plaisir de voir passer, se rendant en promenade, les camarades qui ne sont pas sortis et qui, eux, ne s'amusent pas. 2h, suite de la récréation tissue. 3h, plaisir de donner un coup de brosse aux chaussures de M. Poirot et aux miennes, et de penser que nous allons, mon correspondant et moi, aller faire un tour de boulevard en ville. 4h, excursion au café de l'hôtel de ville dont M. Poirot était le client assidu. Plaisir de voir M. Poirot absorber quelques verres de bitter en faisant des parties de jacquet. 5h, retour au collège. 3e et dernier discours sur les bienfaits de l'éducation. Exhortations au bien, séparation douloureuse, plaisir de penser que 15 jours plus tard, cette petite fête renaîtrait de ses cendres. Et c'était aussi gai que cela, toutes les fois. Ah, ce n'est pas pour faire l'intéressant et établir, entre mon existence d'alors et mon existence d'aujourd'hui, d'ironiques et amères comparaisons. Mais j'ai goûté de bien douces heures aux côtés de M. Poirot, de bien douces heures, en vérité. J'ai fait comprendre que le superflu était absolument banni des déjeuners de M. Poirot. Je me fais un devoir d'insister sur ce point. Aussi fus-je étrangement surpris quand un dimanche matin, revenant de la messe, mon correspondant me dit, en me passant l'oreille, « Jeune homme, réjouissez-vous. Vous avez été le premier en récitation classique et il ne sera pas dit que vos efforts seront restés sans récompense. Nous allons faire une débauche. » « Une débauche ? » m'écriai-je, non sans émotion. J'avais jeté de côté un coup d'œil sur la table. Une soupière basse et fermée, flottant dans une buée transparente et légère, trônait au centre de la table. « Oui, une débauche, » reprit mon correspondant, dont un fin sourire de gourmet soulevait le coin de la lèvre. « Jeune homme, mettez-vous à table et préparez-vous à une grosse surprise. » J'obéis, m'installai en face de M. Poirot et commençai de déployer ma serviette, tandis que mon correspondant amenait doucement à lui la mystérieuse soupière. Je pensais, « Eh là, mon Dieu, que peut-il y avoir là-dedans ?» Et d'avance, escomptant quelques chefs-d'œuvre culinaires, je me pourléchais les babines, quand Poirot, en levant brusquement le couvercle, découvrit à mes yeux navrés une tête de veau toute fumante. Or, je ne sais ce que nous nous sommes fait, la tête de veau et moi, mais nous professons l'un pour l'autre une haine mutuelle et cordiale. Fort d'un sentiment dont je n'étais pas maître, je déclarai à M. Poirot que je ne déciderai à manger de sa tête sous aucune espèce de prétexte et à aucune espèce de sauce. Et il en parut vivement surpris. « Jeune homme, dit-il, vous m'étonnez, la tête de veau est l'ami de l'homme. » Je répondis qu'elle n'était pas la mienne, mais M. Poirot, qui s'y connaissait mieux que moi, m'affirma que je me trompais et que la tête de veau, justement, se trouvait être ma plus chère et ma plus précieuse amie. Chose que je n'eusse jamais soupçonnée jusqu'alors. « Vous ne savez pas ce qui est bon, dit-il. La tête de veau en vinaigrette est un véritable plat de gourmet, et elle était en grand honneur chez les empereurs de la décadence. Tant d'érudition m'éblouit, mais n'arriva pas à me convaincre. Je hasardai timidement que je n'étais en aucune façon empereur de la décadence, mais simple élève de sixième au petit lycée de X. N'importe, reprit alors cet homme véritablement entêté. Ayez confiance en ce que je vous dis. Goûtez-en seulement un tout petit morceau, et nous en recoserons ensuite. Je me sentis envahi d'un immense désespoir. Monsieur Poirot, m'écriai-je. Il continua. Allons, vous êtes un enfant. Il se peut que vous n'aimiez pas la tête de veau, mais c'est tout simplement parce que madame votre mère ignore l'art de l'accommoder, tandis que celle-ci est excellente. Tout à fait supérieure et exquise, je vous le jure. Voyons, mon ami, soyez sage, et veuillez me tendre votre assiette. Je vais vous servir un morceau qui passe à juste raison pour ce qu'il y a de plus fin, de plus délicat au monde. Je me récriais, je hurlais, je pleurais. Mais le cruel M. Poirot fut inflexible, et délicatement, du bout de sa fourchette, il déposa dans mon assiette quelque chose de noir avec un trou dedans. Je regardais. C'était l'œil. Mangez, commanda M. Poirot, d'un ton qui ne souffrait pas de réplique. Alors je ne sais plus ce qui se passa. Je devins fou, je perdis toute connaissance, et fermant précipitamment les yeux, j'avalai d'un seul coup l'œil horrible du veau. Quand je revins à moi, j'aperçus mon correspondant qui me regardait en souriant. Eh bien, fit-il, qu'en pensez-vous? Est-ce vraiment si mauvais? Je demeurai à l'instant sans répondre, les dents serrées, par précaution. Enfin, toute crainte d'accident étant disparue, et réfléchissant qu'aussi bien la pilule était avalée, je crus devoir être poli et ne pas blesser M. Poirot dans des goûts et des convictions que je n'avais pas à discuter. Hé hé, dis-je sans me compromettre. M. Poirot éclata de rire. Ah, le farceur, s'écria-t-il. Voilà pourtant comment l'homme, par un entêtement absurde, en arrive à gâcher sa vie. Ah, jeune homme, fasse le ciel, que cette leçon porte ses fruits dans l'avenir. Enfin, n'en parlons plus. Ce qui est fait, fait. Il faut que je laisse passer. C'est l'âge qui amène l'expérience. Jeune homme, vous avez été le premier en récitation classique, et il est bon qu'un légitime hommage immortalise en votre esprit le souvenir de ce louable succès. Vous avez, comme il convenait, apprécié le premier œil du veau. Permettez-moi de vous offrir l'autre. Et de nouveau, dans mon assiette, quelque chose de noir s'abattit. Quelque chose de noir avec un trou dedans. Le premier œil avait passé. Comment avait-il fait son compte? Je n'en sais rien, mais enfin, il avait passé. L'autre obtint un sort moins heureux. Par les prodiges d'un courage dont je demeurerai éternellement fier, je le poussai jusqu'à mon estomac. Mais quand il y fut installé, il se refusa absolument à en partir. Il y resta, il y est encore, et il sera éternellement. Et c'est ainsi que je ne puis offrir en holocauste aux pauvres petits collégiens malchanceux que je voyais ces jours derniers promener à travers Paris leur tête de désespéré et leur tunique d'uniforme sortie après 2 mois de l'armoire aux vieilleries. Cependant que ce mot, la rentrée, faisait vibrer à mon oreille comme un mélancolique et lointain carillon. Fin.